va continuer avec notamment le passage au free-to-play. D'accord. Est-ce que tu veux poser les questions en premier? Comme ça fait un petit changement de voix, tu Un vois. petit Ça fait son. plus. Ouais. Ok, d'accord, ok. Avec ta douce voix mielleuse. Ah, chouette, trop cool. Ah. Alors, Vas-y. bah, la première question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, c'est si pour vous le modèle free-to-play est plus attractif que le modèle payant, pourquoi ne l'avez-vous pas mis en vigueur dès la sortie du jeu? Et d'ailleurs, la personne qui a posé cette question, c'est Tommy Truor, qui est parmi nous ce soir. D'accord. Alors déjà, bonsoir Tommy Truor. C'est lui qui... Bon, j'ai passé ce passage. La question, le modèle économique du jeu, donc qui était par abonnement à sa sortie, c'est surtout, ça a surtout été décidé par Tubin et Codemasters qui pensaient que c'était le mieux adapté lors de sa sortie. Et il faut aussi ajouter que le modèle free-to-play, en tout cas en Europe, était encore assez jeune. Il n'était pas arrivé comme maintenant, pas à maturité, mais maintenant il est beaucoup plus important et on en parle beaucoup plus. D'ailleurs... On pense à World of Warcraft qui l'a mentionné dans une interview, ils y réfléchissent. Donc c'est quelque chose où même les gros commencent à s'y prêter. Alors qu'avant c'était plus synonyme de jeu qui vient des pays asiatiques, qui instaure un nouveau modèle. Donc pour expliquer pourquoi c'était pas en free-to-play dès sa sortie, c'était qu'on était encore dans le modèle traditionnel par abonnement. Et maintenant on dirait que Turbine a tenté, a fait une genre de test avec DDO, Dungeons and Dragons Online. Ils se sont rendus compte que ça avait très bien marché. Et ils veulent justement réutiliser ce succès sur le Seigneur des Anneaux Online. Et il faut savoir que les abonnements vont continuer à être utilisés tous les deux. Donc ça va vraiment être deux rails, deux lignes parallèles. Les gens qui aiment le free-to-play, bah, ils jouent en free-to-play. Les gens qui préfèrent les abonnements, ils jouent en abonnement. Ok, d'accord. Donc en fait, sur l'autre, il va y avoir les deux systèmes. C'est ça. C'est vraiment très flexible. Ok, d'accord. Donc bah, il y a une autre question posée aussi par Tommy Truor. C'est le passage du jeu en free-to-play signifiera-t-il des mises à jour moins régulières mais plus consistantes? Ouais. Alors sur ce point-là, je ne vais pas pouvoir m'engager de manière officielle. Je peux pouvoir dire bah oui, il y en aura tous les X mois, parce que je ne suis pas le développeur, donc je préfère pas trop m'engager là-dessus sur quelque chose qui pourrait être cité plus tard et sur lequel j'aurai des comptes à rendre. En revanche, je vais donner quand même mon avis personnel, et notamment qu'on s'est rendu compte qu'en général, les joueurs free-to-play sont plus fugaces. Ils vont changer plus souvent d'un jeu à un autre. C'est plus une manière pour eux de tester un jeu sans devoir payer un abonnement de manière continue. Donc plutôt que de penser que les mises à jour seront moins régulières, on a envie, enfin, on espère, et moi je pense que ça sera le cas, que les mises à jour seront au contraire plus fréquentes pour motiver les joueurs free-to-play à continuer de jouer, et les abonnés bien sûr, pour leur donner toujours du nouveau contenu. Après, on verra sous quelle forme. À mon avis, la boutique en fera partie avec des nouveaux éléments à acheter, mais je pense que les mises à jour seront plus fréquentes et sera plus régulier. Ok. On verra ça avec Or, la sortie du free-to-play, bien sûr. d'accord. Je vois la réaction d'Ingor. Hein. Justement, je rebondis dessus un petit peu. Tout simplement, on a bien prévenu, en effet, en préparant la conférence, que bah, il y a des questions auxquelles on ne pourrait pas répondre. Et Einstein non plus. Hein. Donc, voilà. On rebondit sur toi. C'est mignon. Et donc, après, on essaie un petit peu de faire. Comme une fac parlante, on va dire ça comme ça, de toutes les informations qui ont déjà pu être données. Et par rapport au free-to-play, bah, on va continuer les questions et essayer de voir si on peut avoir des réponses un peu plus précises, par rapport à la mise en place, aux abonnements, etc. Donc justement, on va passer à la deuxième question, la troisième question, pardon. Un joueur avec abo lors du passage free-to-play devient VIP. Bon, alors, j'essaye de poser la question comme elle m'a été présentée. Hein. S'il stoppe son abo, il passe premium, mais conserve certains avantages. Pas de limite, d'or, etc. Donc, cette question a été posée par Enox. Donc, je crois que tu as un petit peu eu une réponse par rapport à ça. Oui, mais on peut regrouper avec la deuxième question si tu veux. Alors, effectivement, Enox a bien présenté les affaires. Si tu es VIP abonné, tu passes en VIP, le nouveau nom de abonné en fin de compte, quand le modèle free-to-play va être appliqué. Et alors, effectivement, tu auras tout ce que tu as eu avant quand tu étais abonné. Et si tu décides de stopper ton abonnement, tu passes en premium, mais tu conserveras ce que tu avais avant, comme par exemple les sacs d'inventaire. Tu n'auras pas la limite d'or, qui est normalement imposée au premium. Par contre, tu perdras les deux emplacements de personnages, donc si tu ne payes pas. C'est-à-dire que si par exemple tu joues aux Ombres d'Angmar, tu as 5 emplacements de personnages par serveur, tu n'en auras plus que 3 si tu décides de ne pas payer d'abonnement. Pareil pour le mode Monster Play, donc le mode PVP du Seigneur des Anneaux, tu n'y auras pas accès. Et certains ajouts, comme par exemple la garde-robe que tu recevras quand le livre 2 sortira en tant que joueur VIP, tu pourras seulement retirer des objets de la garde-robe, mais pas en ajouter. Ok. Un joueur premium est restreint, mais pas au niveau des sacs d'inventaire, ni au niveau de la limite d'or. Il passe D'accord. de VIP à premium. Et alors la seconde question, c'était, mais est-ce que cette situation est la même quand un joueur abonné arrête de s'abonner avant le passage du free-to-play? C'est-à-dire qu'il n'est pas encore VIP. Et là, ce qu'on m'a répondu, c'est qu'effectivement, un ancien abonné conservera là, lui aussi, son or et ses sacs d'inventaire. Donc, n'importe qui a été abonné dans le passé, même s'il arrête de s'abonner avant le passage au free-to-play, donc avant automne 2010, il gardera quand même son or et ses sacs d'inventaire. Ok, d'accord. Alors, je Je vois pense que que sur. ça répond à la question que Enox se posait. Bah écoute, Enox nous dira en retour sur le forum s'il est content de ta réponse. Donc, je vois des questions qui passent par écrit. Pensez à les noter ou même à les garder pour la fin de la conférence. On vous laissera sûrement la parole pour que vous la posiez. Je sais que ça va revenir sur ces thématiques qui auront déjà été. Mais voilà, pour l'instant, on a fait un point par rapport aux questions qui nous ont été soumises à l'avance. Donc après, on laissera libre parole à ceux qui le souhaitent. Voilà, donc gardez vos petites questions sous le coude ou bien au chaud comme vous voulez. Et donc là, nous, on va continuer sur les thématiques qui ont déjà été un petit peu travaillées avant, et notamment demander des réponses à Turbine, etc., etc. Donc ensuite, la question d'après, c'était avec les comptes gratuits, on risque d'être plusieurs sur le même IP. Est-ce que cela posera des problèmes? Nous avons sur le forum en ce moment quelques petits soucis avec les doubles comptes, entre guillemets, des sujets qui passent par rapport à ça. Et donc, bah, la question semble légitime par rapport à l'adresse IP. Oui, absolument. Alors là, je vais apporter une précision. Les doubles comptes ne sont pas bannis. On a le droit d'avoir un double compte, enfin pas un double compte, mais on a le droit d'avoir deux comptes pour une même personne dans le Seigneur des Anneaux. Là où c'est que les informations d'un compte correspondent à soi-même. Il faut que ce soit personnel. Sinon, il y a vol de compte ou alors account sharing, donc le partage de compte. Et ça, c'est pas autorisé malheureusement. Pour revenir à la question sur l'adresse IP qui peut poser des problèmes si jamais son compte est banni, c'est Pas, ça se pose pas parce qu'en fait un compte est banni et non pas l'adresse IP. Donc si tu veux te connecter avec un compte qui est banni, bah c'est pas l'adresse IP qui est importante, c'est ton identifiant on va dire. Les C'est ton seules compte. fois, voilà c'est ça, c'est ton compte. Les seules fois qui sont vraiment exceptionnelles où certaines adresses IP peuvent être bannies, c'est en général pour éviter le gold farming. Donc par exemple, si on voit qu'il y a des comptes qui ont été créés uniquement dans le but de récolter de l'or ou de créer des personnages pour les revendre plus tard, comme par exemple, ça peut arriver avec des adresses IP chinoises. Certaines adresses IP peuvent être bannies, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Donc non, avec le free-to-play, on n'aura pas des problèmes d'adresses IP qui sont similaires. Il faut juste vérifier que les détails qu'on a intégrés dans son compte, donc par exemple le nom, le prénom, l'adresse, et ainsi de suite, qui sont d'ailleurs confidentiels, hein, personne n'a accès à ça, il faut juste vérifier qu'elles correspondent à sa situation personnelle. Ok, Sinon, d'accord. Donc, on peut être ben. accusé de partage de compte, et ça, c'est pas autorisé. Voilà. Donc, le double compte, ok. Le partage de compte, pas ok. Voilà. Donc, pas de problème pour le double compte à l'arrivée du free to play. Ok. Ensuite, ben, on va passer à la question suivante. Donc, c'est posé par O Fadrico. Je crois que c'est comme ça. Donc, quelles sont les prévisions de fréquentation des serveurs français grâce au free to play? Alors, là, je vais répondre de manière très brève. On n'a pas le droit, on ne peut pas communiquer les chiffres de fréquentation des serveurs européens, ni les prévisions. C'est quelque chose qu'on n'a jamais communiqué depuis le début d'ailleurs. Désolé, Fabrico, on va pas pouvoir te répondre. Bruit de foule. Oh. Ouais, je sais, mais bon, c'est vraiment quelque chose qui est associé à l'autre. C'est quelque chose sur lequel on a très très très rarement ou même jamais communiqué, donc on ne Ouais, pourra pas déroger à la règle ce soir. Ouais. il y a juste eu quelques chiffres rapides faits transmis par la communauté ou des choses comme ça, mais rien d'officiel en fait. Voilà. Ok. Justement, en parlant de la fréquentation des serveurs, il y a une autre question qui a été posée par quelqu'un qui est là ce soir, Yuna et moi. Le système free-to-play risque d'entraîner un afflux de joueurs peu familiarisés avec la communauté mature actuelle du serveur Estelle. Est-il prévu une présence de GM et une modération accrue pour maintenir la qualité roleplay de ce serveur? Alors, oui, c'est une question intéressante et légitime. Et en effet, les GM seront particulièrement vigilants lorsqu'il y aura un modèle plus free-to-play pour apprendre, on va dire, ou éviter les abus de la part de nouveaux joueurs qui ne sont pas encore habitués au style de jeu et l'univers de l'Otro. Donc oui, il y aura un effort fait auprès des maîtres du jeu pour éviter tout débordement. Ok, d'accord. Alors j'avais pas vu la petite phrase de Rodan sur peut-on dire que ça va doubler ou pas avec le passage au free-to-play? Je pense que il y a des pronostics, mais à mon avis, ils peuvent pas communiquer dessus. Ouais, tout ce qu'on pourrait dire, Rodan, c'est ça va augmenter. Enfin, on espère que ça va augmenter. Après, ça reste des prévisions, donc même si je dis doubler, tripler et plus, ça, bon, on C'est ne le un peu saura le jamais. but. C'est un peu le but quand même, je crois, le passage au free-to-play. Ah bah oui, de toute façon, le free-to-play, c'est vrai que c'est l'objectif principal, c'est d'attirer plus de joueurs, de présenter plus l'Otro au grand public et ainsi de suite. Donc, c'est avoir plus d'abonnés de joueurs qui découvrent ce jeu. Ok. Alors Yuna et moi posent encore une autre question par rapport au free-to-play. Donc je vais le lire. Il semble que l'accès au serveur même soit restreint à un nombre limité de joueurs à partir de la mise en place du système free-to-play. Point d'exclamation. On sait que certains seraient prioritaires par rapport à d'autres, VIP, premium, free, mais comment cela va-t-il être géré en pratique? Par exemple, moi, abonné à vie, me connectant sur Estelle à 20h30, j'éjecte X machin, free player connecté depuis 17h. Ou peut-on s'attendre à l'apparition de files d'attente comme ce fut le cas pour le jeu coréen Aion? Bip! Alors, déjà, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas d'éjection comme ça de joueurs qui, même s'ils sont free, les joueurs free sont des joueurs quand même, donc ils ont le droit de rester sur leur partie. Ils vont pas être dégagés comme ça quand ça arrive vers 19h, ça serait un petit peu injuste. En revanche, la manière dont ça va marcher, c'est imaginons qu'il y ait des files d'attente, parce qu'il pourrait y avoir des files d'attente. D'ailleurs, il y en avait eu quand il y avait eu la sortie du siège de la Forêt Noire sur certains serveurs germanophones. Il pourrait y avoir des files d'attente. Sauf que les joueurs VIP seront en première position pour accéder au serveur dès qu'il y aura une position qui se libérera, alors que les joueurs free seront en bas de la file d'attente. Donc pas d'éjection de joueurs, mais un accès plus rapide au slot qui se libère dès qu'il y a quelqu'un qui quitte le serveur. Ok, d'accord. J'en profite pour rebondir un petit peu sur une question qu'on a mise dans la partie technique, justement par rapport à la capacité des serveurs. Je sais que on a pas mal de problèmes, notamment sur les serveurs français, sur la capacité, sur les lags, etc. Et donc, bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait? Parce que s'il y a une arrivée massive de joueurs, bah, je me vois mal avec un raid versus 50 dans les Landes, plus pouvoir bouger comme c'est actuellement le cas. Des fois. C'est vrai que c'est important qu'il faut le souligner. Là aussi, les serveurs seront boostés pour faire face à cette, pas ce raz-de-marée, mais à l'arrivée de nouveaux joueurs. On va booster les serveurs et on aura une attention particulière sur cette problématique, on va dire. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. On attend de voir à la pratique comment ça va se faire.